au salut. Pourtant toi, tu restes ici. Un sale décor pour toute une vie. Passer entre l'envie et l'ennui. Passer entre l'envie et l'ennui. Même face aux bonnes intentions, tu laisses courir ta plus d'émotion. Celui qui agit.